Yes. Bonjour Luc Baudin. Et donc Okay. aujourd'hui on va parler de donc la loi de l'attraction avec donc avec Luc. Donc premièrement je vais me présenter succinctement pour les personnes qui me connaissent peut-être pas. Donc je m'appelle Mathieu. Donc je suis auteur du blog du Mindset, donc un blog dédié à la motivation, au dépassement de soi, à la confiance en soi. Et donc aujourd'hui je suis avec Luc Baudin. Donc Luc, en quelques lignes, votre parcours, c'est vous avez été docteur en médecine, enfin tu as été, je vais te tutoyer, oui, Oui, on donc était dans un le sport. docteur en médecine, diplômé en cancérologie clinique et spécialiste en médecine naturelle, et donc auteur aussi de plusieurs best-sellers, dont le livre La loi de l'attraction. Donc un beau parcours quand même. Et donc Luc, pour commencer, j'ai une question pour toi. Comment la loi de l'attraction, enfin, comment tu t'es servi la loi de l'attraction dans ton parcours? Est-ce que... De toute façon, ce qui est déjà Mathieu, merci de cette invitation et merci à toutes les personnes qui écouteront cette vidéo et j'espère que ça pourra les intéresser sur leur chemin. Voilà. Et donc, c'est vrai que j'ai un parcours non conventionnel, disons. J'ai été médecin pendant 25 ans. Après ça, j'ai travaillé beaucoup dans les médecines naturelles. J'ai fait une spécialité en cancérologie clinique. Après ça, j'ai arrêté tout pour vraiment me concentrer déjà sur les soins énergétiques, mais aussi sur des outils que je pouvais transmettre aux personnes pour aider individuellement. On aura toujours besoin de médecins et de thérapeutes, mais si on peut déjà solutionner un certain nombre de choses par soi-même, c'est déjà très intéressant. C'est comme ça que c'est sorti à Aura, au Ponopono, etc., etc. Et la loi d'attraction, elle fait intégralement partie de ces outils, des outils qu'on utilise de toute façon quotidiennement, mais qu'on fait souvent sans même le savoir. Alors comment je l'ai utilisé? Je l'ai utilisé, bah déjà, il faut bien savoir que souvent on fait comme Monsieur Jourdain, des vers sans en avoir l'air et de la prose sans le savoir. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que voilà, c'est déjà, j'ai commencé déjà avec ce que j'appelle la pensée positive. La pensée positive. C'est vrai que quand j'étais, alors je ne sais pas d'où est-ce que j'ai sorti cette pensée-là quand j'étais tout gamin. Quand j'étais tout gamin et ça a motivé tout le reste de ma vie, c'est que je me suis dit dans toute situation désagréable, il y a toujours quelque chose de positif à en sortir. Quelque chose de positif en sortira. Et je ne sais pas d'où est-ce que j'ai sorti ça, mais ça a été un leitmotiv pour moi. Et puis, bah, c'est évident que j'ai développé toujours dans les périodes difficiles de ma vie ou les tournants de ma vie, j'ai toujours eu confiance dans ma bonne étoile et ça c'est déjà important quelque part. C'était déjà la loi d'attraction qui était importante plutôt que de craindre le futur comme on le fait souvent. Bah, et si on voyait ce futur comme étant positif, radieux et on était dans la confiance. Et puis un autre élément qui ont été un grand tournant de cette loi d'attraction que j'appelais à l'époque la loi de la résonance. C'est-à-dire que tous les soins énergétiques que je pratique, que je montre, que je transmets, eh bien, sont basés sur cette loi d'attraction. C'est-à-dire que quand on veut obtenir quelque chose dans un soin, il faut le demander. Par exemple, je demande à ressentir tel ou tel blocage énergétique. Par exemple, je demande à ressentir tel ou tel corps subtil, etc. On demande et on a tout de suite l'information de ce que l'on a demandé précisément. Il n'y a pas d'erreur possible grâce à ça. Et donc, j'ai utilisé là encore cette loi de la résonance pendant des années. Et puis un beau jour, sont sortis les premiers livres sur la loi d'attraction. Et donc, et quand j'ai lu ces livres, je me suis dit, j'ai tout de suite fait tilt en disant, ils sont dans le vrai parce que j'utilise ça dans les soins énergétiques, donc c'est aussi réalisable dans la voie matérielle. Ce qu'il faut simplement savoir, c'est que quand on travaille dans l'énergie subtile, entre la demande et le résultat, c'est pratiquement instantané. Quand on passe dans le domaine de la matérialité de notre vie, ben c'est évident qu'on fait la demande qui passe quelque part sur le plan énergétique. Et si la demande est assez intense et assez prolongée, à ce moment-là, ça va se passer dans la matérialité. Donc, ces notions me sont apparues comme étant des notions fondamentales de notre vie sur la Terre. Voilà un petit peu. ce parcours, et c'est là après ça que j'ai étudié le pour et le contre, parce qu'il y a, c'est évident que si la loi d'attraction marchait à 100%, on serait tous gagnants au loto, on est bien d'accord. Oui. Donc qu'est-ce qui fait que ça fonctionne, comment que ça fonctionne, et qu'est-ce qui fait que des fois ça ne fonctionne pas. Voilà les questions que j'ai voulu répondre au niveau de ce livre, d'une manière très pratique, très facile à comprendre et à utiliser. Et je pense que c'est surtout le programme aussi de cette vidéo, n'est-ce pas, oui, Mathieu? C'est ça, et tout à fait. Et justement, vous avez dit quelque chose, enfin, tu as dit quelque chose d'intéressant tout à l'heure, c'est que la loi de l'attraction, soit on y croit vraiment à 100% ou on n'y croit pas. Et c'est assez intéressant de... En fait, pour vraiment, il faut être convaincu que ça fonctionne pour réaliser quelque chose. Et dans le livre, j'ai lu aussi que à un moment, tu disais que quand il s'agit de quelque chose de matériel, de quelque chose peut-être un plus grand projet, une volonté plus grande, ça va prendre plus de temps à se réaliser que quelque chose de direct. Et donc, c'est pour ça que là, il y a aussi la notion de temps qui rentre en jeu, c'est de savoir un petit peu se projeter sur long terme. Et donc par rapport à ça, est-ce qu'on peut vraiment tout demander? Par exemple, demain je demande, est-ce que si je demande un yacht je peux l'avoir, ou alors il faut c'est surtout ça, je sais pas si par exemple on peut vraiment avoir cet aspect matériel, est-ce que c'est vraiment important, ou alors il faut plus être être plus dans un peu le spirituel, demander quelque chose de positif, il y a plus de chances que ça réussisse si c'est par exemple une qualité ou par exemple du bonheur ou des choses un peu vraiment immatérielles, ou alors plus ou alors il y a moins de chances que ça réussisse si c'est matériel. Bigre. Mathieu, là, tu me poses le bébé, il est énorme ce que tu me demandes. Tout ce oui, c'est assez large. Je commence par... C'est très, très large, c'est très, très large. On va peut-être recommencer depuis le départ, tout simplement par considérer que la loi d'attraction, c'est quoi? C'est-à-dire que le principe, c'est que deux énergies de même fréquence s'attirent. Et c'est tout simplement le principe du poste radio, hein. C'est-à-dire que on branche sur l'électricité, on règle la station, et d'un seul coup on capte la station. Nous c'est pareil, c'est que on va faire une demande. Et il faut considérer les physiciens quantiques présentent un peu l'univers comme étant un vaste champ. Il n'y aurait pas de vide, et ce vide serait rempli d'énergie, d'un champ énergétique informé, avec à l'intérieur duquel se trouveraient tous les potentiels, tous les futurs possibles, toutes les potentialités. Et nous, on ferait le poste radio, en fait, on émettrait une pensée qui donnerait une fréquence et qui attirerait vers nous ce futur potentiel, ce potentiel. Alors, sachant cela, ce qu'il faut comprendre, et ça c'est déjà la base, c'est que la loi d'attraction, elle fonctionne à 100%. C'est-à-dire que 100% des choses qui nous arrivent dans notre vie, c'est lié à nos demandes. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que nos demandes, en fait, on les formule pas généralement, même dans notre tête ou verbalement, c'est que on a plein de pensées dans notre tête, et ces pensées sont dominées essentiellement par notre inconscient. Et notre inconscient qui n'est pas toujours très très sympathique pour nous, du genre je suis nul, je vaux rien, les autres sont plus valables que moi j'y arriverai pas, etc. Donc il y a plein de choses qui nous dénigrent, et en fin de compte on pense, c'est un peu comme nos peurs, on dit toujours plus on se focalise sur une peur, et plus on va l'attirer de ce principe-là, et plus on se focalise sur les phénomènes qu'on est nul, et plus on va attirer des situations qui vont nous montrer que nous sommes nuls, parce que c'est toujours cette loi d'attraction. Et c'est pour ça que la première base, et je parlais tout à l'heure de la pensée positive, c'est la base numéro un, c'est que nous sommes aujourd'hui ce que nous avons pensé de nous hier. On n'est pas des tops, mais on n'est pas des Superman, des Superwoman, mais on a des qualités. Il faut arriver à bien comprendre que voilà. Donc ça c'est un petit peu la base. Et alors pour sortir de ces pensées inconscientes, déjà il y a deux champs qui peuvent être intéressants. C'est le premier champ, c'est de se dire on va travailler sur ses croyances erronées, et ça c'est extrêmement important parce que toutes ces croyances dévalorisantes, toutes ces pensées qu'on a eues à cause de notre éducation ou à cause de nos vécus, il faut les éliminer parce que elles nous apportent que des éléments négatifs dans notre vie. Elles attirent des situations négatives dans notre vie, et donc c'est très très très important. Moi, je vais donner un exemple. Je connaissais une femme qui avait été marié, et quelques années après le mariage, cet homme a commencé à la frapper. Elle a bien sûr divorcé. Quelques années après le célibat, elle a retrouvé un deuxième homme avec qui elle s'est mariée, et le même phénomène s'est reproduit. Cet homme, après quelques années, s'est mis à la frapper. Elle a redivorcé, et puis quelques années après, elle a retrouvé un petit ami avec qui elle a vécu une histoire amoureuse, mais quelques temps après, cet ami s'est mis aussi à la retaper. Et puis elle s'est dit à un moment, j'en ai assez des hommes, je reste célibataire et je continue ma vie simplement avec mon fils. Sauf que le fils a commencé à la taper lui aussi. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que tous ces hommes, bien sûr, sont fautifs et doivent être jugés pour leurs actes, c'est une évidence. Seulement, d'un autre côté, il faut bien comprendre que cette femme a quelque chose à comprendre, il y a quelque chose dans sa manière de penser qui attire à elle des situations comme ça, parce que quand même, quatre personnes qui successivement présentent les mêmes travers, je veux dire, il faut se poser des questions sur soi, c'est nous qui attirons les choses. Voilà, donc il faut travailler sur. C'est pour ça que le Ho'oponopono est intéressant. Et puis, donc ça c'est important. Et puis après ça, il faut pour se sortir des pensées inconscientes, eh bien tout simplement, il faut mettre des pensées conscientes. C'est-à-dire mettre, au lieu de laisser notre esprit gamberger à droite à gauche, eh bien se dire non, moi je me focalise sur ce que je veux. Et donc pour répondre à ta question, Mathieu, qui était très large, très très large. Donc on va resserrer après. Oui, il faut resserrer les questions là, parce que là, je peux plus. Et qui était très large, et ce qu'il faut comprendre, c'est que on peut tout demander depuis le plus simple jusqu'à l'homme de ou la femme de sa vie. Et donc, le plus simple, c'est souvent de commencer, par exemple, demander une place de parking. Un truc tout bête. Oui, moi, j'avais mis un exemple dans le livre. Oui. J'ai une amie qui était très, très forte, qui est toujours très forte là-dessus. Elle peut aller à Paris où elle veut, elle habite Paris, elle peut aller à Paris où elle veut. Elle trouvera toujours une place de parking juste à côté de l'endroit où elle a rendez-vous. Elle est tellement forte que ses amis l'appellent même pour qu'elle demande des places de parking pour eux. Et donc ça, par exemple... Vas-y. Non, vas-y, Mathieu. Quand elle souhaite ça, c'est qu'elle est sûre d'elle. Vraiment, quand elle pense, c'est-à-dire qu'elle est vraiment dans une. Elle s'assure de ça. C'est surtout ça. Pour elle, c'est une évidence. Mais ce qui est intéressant, c'est que justement, et à mon sens, pour s'assurer de l'évidence de cette loi d'attraction, il faut commencer par des petites choses. Justement, une place de parking, une caisse qui s'ouvre et vous allez être le premier. Des petits trucs tout bêtes comme ça et qui, au fur et à mesure, vont vous donner confiance par rapport à cette loi d'attraction. Et aussi par rapport à ces pensées positives, parce que rappelez-vous toujours que vous baignez dans vos pensées, et quand vous mouronnez le passé, quand vous ruminez des trucs, etc., bah évidemment vous avez toute cette noirceur qui est autour de vous, et c'est pas très très très très salutaire. Et progressivement on va prendre la confiance. Là j'ai écrit un livre là récemment sur développer vos talents subtils, et je discutais avec une personne qui travaille beaucoup sur la télékinésie, la psychokinèse, c'est-à-dire le déplacement des objets, la torsion des cuillères, etc. Et lui, il donne même des formations par rapport à ça. Il racontait qu'en fait, les personnes qui avaient, au fond, au bout de la formation, il y avait la moitié du groupe qui était capable de faire des torsions de cuillères, par exemple. Mais c'était des personnes qui, pour elles, en avaient l'intime conviction. Il n'y avait plus le doute. Il n'y avait plus le doute. Et donc là, à partir du moment où on a plus perdu ce doute, à ce moment-là, là, tout est possible et on est capable de choses merveilleuses. Et dans la loi d'attraction, bien sûr, on a toujours les doutes, mais c'est ça aussi qui risque de fausser notre demande. parce que oui, je vais demander. On va continuer. Je vais te laisser poser des questions. Oui, justement, par rapport à ce que tu disais, c'est comme les personnes qui arrivent à marcher, par exemple, sur des braises. Ils sont vraiment convaincus que ça va pas faire, que ça fait rien, enfin que ça fait pas mal tout ça. Et donc oui, c'est assez dingue de voir ça au final, parce que c'est tout le monde n'est pas convaincu de ça. Et c'est pour ça que ça dépend vraiment des croyances de chacun. Et plus que ça, Mathieu, parce que tu sais, j'ai marché sur le feu. D'accord. J'ai marché sur le feu. J'ai pas encore marché sur l'eau, mais il y en a un qui l'a fait avant moi. Pour un peu. Mais j'ai marché sur le feu. Pourquoi? Parce que j'avais vu plusieurs cas où il y avait des personnes qui marchaient sur le feu. C'était des spectacles où je voyais vraiment les gens qui marchaient sur le feu dans les braises, etc. Et là, j'étais en Polynésie. Il y avait la marche sur le feu. Donc, on marchait sur des pierres qui étaient sur les braises, dans des pierres extrêmement chaudes. Et puis, moi, j'étais là pour un spectacle. Et puis, d'un seul coup, je vois tout le monde qui commence à se lever pour faire cette marche sur le feu. Et donc, on était 300 spectateurs. Et d'un seul coup, quand on voit les autres, les personnes, les enfants, les adultes, les personnes âgées marcher sur le feu, quelque part, boum, on perd aussi cette... On devient dans la croyance et on se dit... On perd cette crainte. Et c'est comme ça que j'ai marché sur ces braises, sur ce feu, comme tout le monde. Et là encore, c'est pour ça qu'il y a la croyance. Puis d'un autre côté, il faut écouter aussi ceux qui ont vécu des choses et qui ont des témoignages. Et c'est assez impressionnant par rapport à ça. Et on se dit toujours, si eux ils y sont arrivés, il n'y a pas de raison que nous n'y arrivions pas. D'accord. Oui, parce que justement, pour réaliser quelque chose, pour faire quelque chose, il faut d'abord, en fait, c'est un peu une frise chronologique. Il faut d'abord y croire, le demander, et après commencer, vraiment s'y lancer. Et donc, ça, c'est quelque chose qui, enfin, c'est un peu la suite du livre, ce qu'il y a dedans. Il faut d'abord être convaincu, puis après faire une demande. Alors ça, justement, par rapport à ça, quand on fait une demande, c'est par rapport à la loi de universelle. Comment dire, c'est assez vaste, c'est ça. Enfin, et justement, j'aurais aimé savoir, quand on fait une demande comme ça, est-ce que on a tendance à, comment dire, une demande, ça peut vraiment, donc c'est ça marche à 100%, c'est ce que tu m'as dit tout à l'heure. Mais par exemple, est-ce que tu pourrais donner des exemples concrets de choses à faire pour vraiment demander, comment dire, ou alors faire un peu un premier pas, se lancer. Alors, ce qu'il faut comprendre, déjà au départ, la loi d'attraction n'est pas une croyance, déjà. C'est-à-dire que on a largement la preuve de l'action de notre pensée, et ce qui est intéressant, c'est qu'on a vu ça même au niveau des physiciens quantiques, qui simplement, quand ils pensaient avoir une réponse dans leur expérience, par exemple sur le plan énergétique, ils l'obtenaient. Si les autres faisaient la même expérience et qu'ils pensaient de l'avoir sur le plan corpusculaire, matériel, ils l'obtenaient. Donc ça voulait dire que plus on avait la pensée influencer le résultat de l'expérience, mais influencer aussi le résultat de la matière. Je vais vous donner aussi un autre exemple qui est assez troublant, c'est que si un électron, vous savez, c'est un atome entouré un atome, c'est un noyau entouré par des électrons. Ok, donc nous on voit visuellement les petites bouboules qui tournent, etc. C'est bien, c'est très bien. Sauf que s'il y a personne qui regarde cet atome, s'il y a personne, à ce moment-là, l'atome n'a plus de forme. Et donc, elle n'a plus de forme, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que le noyau sera un flou énergétique qui sera à la fois ici et là et un peu partout à la fois. Les électrons, pareil, seront des flous énergétiques ici, là et partout à la fois. Et c'est notre présence et notre regard qui va faire que donner la forme à cet atome. Notre pensée, c'est une information qui est un beau mot parce que informer, ça veut dire enformer, donner la forme à. Et ce qui est vrai à l'échelon des particules, des molécules, des atomes, etc., est vrai également au niveau de la généralité. Par exemple, Hubert Reeves disait quelque chose comme l'univers se forme sous notre regard, sous notre pensée. Donc ça veut dire bien que dire qu'on est vraiment complètement des créateurs de ce qui nous entoure et de cet univers, et que quelque part, s'il y avait personne qui pensait à l'univers, l'univers n'existerait plus, il reviendrait sous une forme informée, sous une forme énergétique. Donc il faut bien comprendre que la loi d'attraction, elle marche à 100%, c'est une vérité, je dirais presque scientifique, pratiquement scientifique déjà à l'échelon corpusculaire, et on sait que la pensée, elle agit sur notre corps, on sait qu'elle agit sur les autres, on sait qu'elle agit sur la matière, donc on a des multiples preuves qui montrent que notre pensée irradie autour de nous, et donc elle va, c'est pour ça qu'il y a certains qui disent que l'univers n'est pas si éloigné de la pensée, parce que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que si notre pensée agit sur la matière, ça veut dire que la matière n'est pas si éloignée de la pensée non plus. Mais là, on va dans des chemins encore un petit peu plus profonds et on va laisser ça de côté pour le moment pour répondre à ta question. C'est-à-dire que déjà, donc c'est pas une croyance, il faut déjà bien se dire que c'est vrai. C'est possible. Il y en a qui l'utilisent un petit peu comme la télékinésie. Il y en a qui tordent les cuillères. Et donc pourquoi eux et pourquoi pas nous? Et donc c'est pas une croyance, c'est une vérité. Après ça, le deuxième chose, c'est qu'on est dominé par nos pensées inconscientes. Donc là, il faut recentrer nos pensées, faire attention à nos pensées, c'est-à-dire la travailler sur le positif, aussi bien pour nous que pour ce qui nous entoure. Et ça, c'est extrêmement important, parce que si on change notre regard, si on change notre pensée, le monde autour de nous change, comme disait un auteur américain dont j'ai perdu le nom, peu importe. Mais donc ça, c'est exact, si on change nos pensées, le monde autour de nous change. Et donc, c'est pour ça qu'il faut commencer, à mon sens, par des petites choses pour se donner confiance. Et puis après, parce qu'il y a beaucoup de personnes aussi, on pourra parler aussi de ce qui peut venir bloquer les choses, mais ce qui est important après, si on veut aller un peu plus loin, c'est de faire attention à bien réfléchir à ce que l'on va demander. Ça, c'est un temps très important qu'on a tendance à le galvauder en se disant « oui, moi j'ai envie d'une belle maison au bord de la plage ». Ok, ok, c'est bien. Mais pourquoi cette belle maison? Où cette maison? Comment cette maison? Etc. Donc il faut vraiment, est-ce que c'est vraiment ça ce que je veux? Est-ce que c'est vraiment quelque chose qui répond en moi? Etc. Donc il faut vraiment prendre le temps, et ça c'est extrêmement important, de se dire « ok, je réfléchis à ce que je veux réellement, et je prends le temps, même si ça prend un jour, deux jours, mais je prends le temps de bien me centrer, parce que plus la demande sera précise, et plus elle viendra de l'intérieur de nous, et plus elle sera puissante, parce que nos pensées, bien sûr, il y en a plein qui traversent notre esprit, mais ces pensées sont d'autant plus puissantes qu'elles sont chargées d'émotions. Donc une émotion négative, on le sait bien, comment ça peut nous perturber, voire perturber les autres, mais une émotion positive fait de même. Donc c'est important de bien charger d'émotions, mais là positive, parce que l'univers répond préférentiellement à ces émotions négatives. Mais l'univers apporte les potentiels, lui il va pas... quelque part, entre guillemets, il ne réfléchit pas, c'est-à-dire qu'il va pas dire « Non, t'as demandé ça, mais je vais pas te l'envoyer parce que c'est pas bon pour toi. » Non, non, là, c'est pas comme ça que ça marche. On pense et l'univers nous l'apporte. Et après, nous, on a fait un choix et on va être responsable des conséquences de ce choix. C'est-à-dire que si on a fait un bon choix, bah très bien, tout le monde est heureux, mais si on a fait un mauvais choix, une mauvaise demande, eh bien, à ce moment-là, là, on va... Si on est assez intelligent, comprendre qu'on s'est raté, et donc à ce moment-là, on pourra revenir. Et donc, on a appris. Ce sera toujours quelque chose d'utile. Donc, il faut vraiment que ce soit, qu'il faut bien prendre le temps, et ça, j'insiste là-dessus. Vous voyez, même tout bête, hein, je voudrais gagner au loto. Ok, mais ça, c'est des demandes qu'on lance comme ça en l'air, mais a-t-on simplement pris le temps de réfléchir 30 secondes à cette demande, à se le concentrer, à voir si ça vient vraiment de nous, si ça vient vraiment de notre cœur, etc. Et puis, là, j'anticipe un petit peu sur la suite, d'ailleurs, avec cette histoire de l'auto. C'est-à-dire, c'est qu'il y avait une personne qui m'avait envoyé un petit mail comme ça, et puis qui me disait, oui, moi, j'ai des dettes, j'ai des traites, etc. Et puis, alors que je voudrais faire des voyages, des méditations, des formations, prendre le temps pour moi, etc. Et à cause de tout ça, bah, je suis obligé de travailler, et donc, je demande à recevoir une grosse somme d'argent pour pouvoir régler tout ça et pouvoir faire enfin ce que j'ai envie de faire. Et là, c'est une erreur aussi fondamentale. C'est-à-dire, c'est que le truc, c'est qu'on est en train de parler des moyens pour l'obtenir, et c'est pas le moyen qu'il faut demander, c'est ce que l'on veut. J'ai envie d'avoir du temps pour moi, pour évoluer, pour travailler sur moi, etc. Là, oui, donnez-moi les moyens de pouvoir le faire. Et puis après, il faut laisser quelque part l'univers choisir la méthode, le moyen dont il va utiliser pour le faire. Et parce que là, nous, on est en train de dire, c'était toujours une phrase qu'on disait à Einstein. À Einstein, on lui disait, mais arrête de dire au bon Dieu ce qu'il doit faire. Et là, c'est à peu près la même chose. Arrêtez de dire. Et la charge émotionnelle ne sera pas du tout la même si vous demandez de gagner au loto ou si vous demandez d'avoir les moyens de pouvoir réaliser le rêve de votre vie. C'est pas du tout la même charge émotionnelle. Et là, ça aura beaucoup plus de punch. C'est sûr. Bah justement, j'aurais aimé rebondir sur ce que tu as dit avant par rapport à la pensée positive, en fait. Enfin, vraiment, le fait de vouloir quelque chose de positif. Et en fait, ça induit directement sur le but. C'est plus quelque chose de... Le positif, ça, c'est hyper important, dans le sens où il y a beaucoup plus de chances que ça se réalise, mais même les, donc en fait, ce qu'il faut viser, c'est un objectif, c'est le but, et les moyens qui vont être mis en place, c'est porte en fait, on les contrôle pas. C'est ça. Oui, tout à fait. Mais il faut être positif. Mais après ça, il y a des personnes qui me tombent dessus parce que je donne un petit exemple. C'est que quand je commence à avoir un petit rhume, un petit machin, etc., je demande à ne pas tomber malade. Et tout le monde me tombe dessus. Ah ouais, ouais, attention, là, t'as dit des phrases négatives. Faut pas dire ça. Faut pas dire le négatif. Il faut dire le positif, etc. Moi, je leur réponds, je m'en fiche, ça marche. Oui, bah c'est vrai, parce qu'au final, le résultat, il est là. Alors, c'est évident que si c'est ça, c'est pour que je reste en santé, que je reste en forme, etc. On est bien d'accord. Mais faut pas se bloquer non plus sur ce. Ce qu'il faut comprendre, c'est ce que je vois aussi au niveau des soins énergétiques que je transmets. Souvent, les personnes qui sont là se bloquent sur comment je vais faire ma demande pour ressentir telle ou telle, quelle est la formule que je dois prendre, etc. Je dis quelque part, on s'en fiche. Ce qui est important, c'est l'intention. C'est l'intention. Et l'univers, il n'écoute pas notre verbiage, il écoute nos intentions qui viennent de notre tête. Et ce qui est souvent amusant, c'est que quand je demande quelque chose comme ça, j'ai la réponse avant même de l'avoir commencé à la formuler verbalement. Parce qu'en fin de compte, a déjà entendu. Et c'est pour ça qu'il faut pas se bloquer sur les termes de ceci ou cela. C'est l'intention. Et ce qui est vrai, c'est qu'il faut que ce soit une intention qui soit pure, bien sûr, qui ne nuise pas aux autres. Oui, voilà, c'est surtout ça. Voilà, parce que après ça, on tombe dans la magie noire et les choses comme ça. Donc c'est autre chose, c'est un autre domaine. Mais la magie noire ne fonctionne pas sur la pensée, ne suffit pas pour provoquer un phénomène de sort ou de choses comme ça. Il faut faire appel à d'autres forces, mais on va pas rentrer dans le débat aujourd'hui. Oui, c'est sûr. Mais donc justement, c'est ça, c'est le principe de souhaiter quelque chose de bon aux autres. Enfin, il faut vraiment que ce soit quelque chose de juste pour nous et aussi pour les autres. Parce que, donc moi, ce que j'ai compris, c'est que le positif, si on veut quelque chose de positif, en fait, ce qu'on souhaite aux autres, c'est indirectement ce qui va nous arriver dans le futur. Donc, c'est bien ça? C'est les conséquences, en fait, ça va directement nous arriver à nous, parce qu'on est des alter-égos, on est tous un peu pareils. Et donc, ce qu'on souhaite à quelqu'un, on souhaite à nous. Bah les autres sont notre reflet, c'est les alter ego, comme tu dis, c'est les autres moi-même. Et donc c'est pour ça que quand les autres ont des problèmes et des soucis, quelque part ça répond aussi à des problèmes et des soucis que nous avons nous-mêmes, peut-être pas aussi fort qu'eux, mais d'une manière indirecte. Donc c'est important. Et là, je l'ai vu encore, ne serait-ce qu'hier, j'étais parti faire des courses en voiture, et en revenant, il y avait une voiture qui occupait le milieu de la route, qui bougeait pas. Et donc, il a fallu que je fasse des manœuvres pour passer sur le bas-côté. Je ne sais pas pourquoi, ce qui se passait, etc., chez cette personne. Et puis, comme tout être humain, je dis, mais quel con celui-là. Voilà, c'est humain. Hein, ça arrive. Et puis, mais j'ai été servi tout de suite. C'est-à-dire que j'ai fait 100 mètres et là, je me suis pris un trottoir. Bon, pas très vite, je roulais pas vite, donc ça n'a pas posé de problème à ma voiture. Mais j'ai bien compris la cause et les conséquences. D'accord, oui, c'était lié, selon C'était toi. lié. Pour moi, j'ai tout de suite compris que c'était une conséquence à cause de mes pensées négatives, et ce que j'ai tout de suite corrigé en envoyant plein d'amour à cette personne et en m'excusant par la pensée toujours par rapport à ce que j'avais fait pour parce que ça m'a nui à moi, mais ça pouvait le nuire aussi à lui. Et donc, et puis je sais pas pourquoi il était dans cette, peut-être qu'il avait des tas de bonnes raisons que j'ignore et que j'ai mal interprété, etc. Donc, mais ce qui était amusant, c'était vraiment, et aujourd'hui, entre les demandes et les conséquences des demandes, ça va très très vite, très très vite. Oui, ça va c'est beaucoup sûr. plus vite qu'il y a quelques années. Et c'est pour ça qu'il faut être très très vigilant par rapport à ce que l'on désire. C'est sûr. Parce que, bah justement, oui, c'est pas souvent évident de rester dans la positivité. On a tous enfin, des moments d'égarement comme ça. Mais c'est aussi bah, compliqué de savoir vraiment ce que l'on veut. Enfin, pour revenir vraiment sur le sujet de but et moyens, personnellement, je sais que bah, j'ai un peu, je trouve ça plus simple de quadriller d'abord en voyant ce que je ne veux pas, et pour savoir après par la suite ce que je veux. Et en fait, et bah, c'est indirectement, mais c'est plus facile, je trouve, que le contraire. Alors que, C'est ton fonctionnement, Mathieu. oui, Après, ce c'est qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il ne faut pas demander ce que l'on ne veut pas. Par exemple, si je te demande, tiens, pendant tes prochaines vacances, où est-ce que tu veux aller? Donc, tu me dis, oh, bah, j'en sais rien, mais enfin, je pense pas que j'irai, je sais pas, en Bretagne et en Hongrie. Bon, ok, oui. Mais si tu veux, on n'est toujours pas dans le positif. Tu supprimes ces deux cas de figure, mais il en reste des milliers d'autres. Et donc, par oui. contre, si tu commences à dire, tiens, je voudrais aller en Amérique du Sud, et donc là, d'un seul coup, ça commence à se construire dans ta tête. Là, ça répond. Il y a une petite lumière qui s'allume. Et après ça, tu te dis, ah bah tiens, puis je pourrais aller visiter tel pays ou tel site, etc. Et donc là, bing, bing, bing. Et là, ça prend forme et ça gonfle. Et c'est pour ça que là, et ce qui est intéressant, c'est de bien développer surtout ce que l'on veut. En ce sens, alors toi, si tu procèdes par élimination, Oui, pourquoi voilà. pas? Moi, j'avais trouvé ça, mais après, c'est vrai, enfin, je suis d'accord sur le fait qu'il faut se focaliser sur ce que l'on veut. C'est sûr. Oui. C'est sûr, tu sais, c'est l'histoire des personnes et des scientifiques qui font des expériences et puis il a échec sur échec sur échec, etc. Et puis il disait, non, non, ce sont pas des échecs, c'est que je viens d'éliminer Une possibilité. un élément impossible déjà. Donc ça avance toujours, mais c'est quand même lent dans ce côté-là. Et par contre, retrouver ce que l'on veut, comment retrouver ce que l'on veut, c'est toujours en prenant un petit peu de temps pour soi, tout simplement. En prenant du temps pour soi, souvent la méditation est très très facile à faire et nous permet d'éteindre le mental qui est tout le temps en train de ou la raison, le raisonnement qui est tout le temps en train de peser les choses et le pour et le contre, etc. et qui nous emberlificote parce qu'en fin de compte il est toujours en train de nous mettre des bâtons dans les roues et dans tout ce qu'on va vouloir faire il nous mettra toujours des bâtons dans les roues. Donc là ce qu'il faut c'est écouter plutôt son cœur et son intuition. Donc la méditation est intéressante, les contacts avec la nature, les balades dans la nature, etc. les activités artistiques, et puis simplement prendre un petit peu de temps pour réfléchir à ce pourquoi là on est bien et là où on a vraiment envie d'aller. Donc c'est vraiment très très Oui, important se par rapport recentrer sur soi-même. à. Et oui, se recentrer, et là on a la réponse. La réponse, on l'a tous en nous. Après ça, il faut laisser là encore un petit peu la possibilité d'éteindre le mental. Mettre de côté pendant quelque temps le cerveau gauche pour se centrer un petit peu sur le cerveau de notre cœur, de notre ressenti, de notre intuition, parce que c'est lui qui connaît la route, c'est lui qui sait, c'est lui qui sait. Donc c'est les petits trucs, mais qui sont importants parce que, en fait, dans la demande, on peut caractériser deux types de demandes. Une demande qui va être faite avec l'ego. Oui. Je veux une grosse voiture, je veux un grand poste de dirigeant, je veux une grande réussite sociale, etc. Ça, c'est les trucs avec l'ego. Je veux en mettre plein la vue aux copains, aux copines, etc. Je serai un des leaders du monde, etc. Ça, c'est l'ego. Après ça, il y a les autres qui vont venir du cœur. Et là, c'est vraiment qui vont être en rapport avec ce pourquoi nous sommes venus sur cette terre. Les premiers vont donner du plaisir. C'est-à-dire qu'on va avoir, comme quand on achète une nouvelle voiture, on a le plaisir d'avoir cette nouvelle voiture, mais ça ne dure pas. Ça dure quelques jours, une semaine, 10 jours, et puis c'est fini. Par contre, le bonheur, c'est quand on suit notre route, on est dans le bonheur, c'est-à-dire qu'on se lève le matin, et tout simplement, on est heureux, et même et le travail, quand on fait un travail qui nous plaît, et comme on dit toujours, on est en vacances toute l'année. Voilà, donc faut bien comprendre ça, c'est important, et bien sûr, les demandes effectuées avec l'ego peuvent bien sûr fonctionner également, mais elles, parce que on aura peut-être des émotions en se disant, ouais, si j'ai ça, je pourrais en mettre plein la vue à mes voisins, à mes collègues de boulot, etc. Donc, il y a une certaine émotion qui est forte là-dedans. Mais de l'autre, une demande qui est faite avec notre cœur, selon notre route, nos aspirations profondes, là, ça aura encore une version encore plus puissante. Mais est-ce que selon toi justement c'est plus une bonne idée de demander quelque chose avec des émotions, par exemple comme t'as dit le bonheur ou vraiment enfin la joie de vivre ou des choses comme ça? Oui, c'est toujours important d'être avec des émotions par rapport à ça. Il y a un exemple tout simple, c'est que il y avait une femme qui me disait, comme beaucoup de personnes aujourd'hui, recherche l'homme ou la femme de sa vie. Et lui, elle recherchait l'homme de sa vie, et donc elle avait mis un cahier des charges. Donc elle faisait une demande avec le cahier des charges. Il faut qu'il soit grand, il faut qu'il soit blond, il faut qu'il ait les yeux bleus, il faut qu'il ait un bon compte bancaire, il faut qu'il soit intelligent, il faut qu'il soit tendre, il faut. Mon Dieu. Donc, et puis elle me dit, j'y arrive pas. Ah ben, moi, je m'étonne. C'est pas facile à trouver. Mais c'est pareil chez les hommes. Hein. Ils sont. C'est pas un exemple parmi l'autre. Et je lui ai dit plutôt, vous balayez tout ça. Vous balayez tout ça, on s'en fiche. Plutôt, est-ce que vous demanderiez plutôt, si vous demandez plutôt qu'on vous envoie l'homme qui est de votre vie, l'homme qui vous correspond? Ça sera beaucoup mieux. Et vous vibrez sur cette pensée de l'homme qui vous correspond, de l'homme qui veut vous aimer. Après ça, s'il est petit, brun, bedonnant, etc., c'est pas grave. Si vous l'aimez, si vous avez plein de choses en commun, etc., ça n'a aucun important, aucune. C'est une demande basée sur l'attention, en fait. Sur ce qu'on veut vraiment, au final. Laissez l'être s'exprimer dans le choix, laisser la vie aussi nous apporter le meilleur, et plutôt que de lui dire là encore ce qu'elle devrait faire, etc. Oui. Et c'est très très important par rapport à ces demandes qu'on oriente toujours par rapport à des désirs. Alors bon, on peut le faire, bien sûr. Bon, si le cahier des charges est pas trop long, il y a des chances qu'on y arrive. Mais d'un autre côté, si on laisse la porte ouverte grande comme ça, eh bien, à ce moment-là, l'homme qui sera dans les mêmes dispositions aura plus de facilité de connexion. Et puis après, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que cet homme, il va pas venir frapper à la porte de cette femme. Donc, il va falloir aussi qu'elle sorte, qu'elle donne des possibilités de rencontre avec cette femme. Qu'elle mette les moyens, oui. Qu'elle donne les moyens, parce que c'est évident que si elle reste chez elle et puis qu'elle attend 24/24 qui sonne à la porte, elle risque d'attendre longtemps quand même. Ça peut se faire, on sait jamais. Ça peut être le dépanneur de télé, ça peut être... Mais bon, c'est pas ça. Le plus fréquent. Mais alors, justement, par rapport à ça, une demande, faut peut-être pas qu'elle soit trop précise, mais le fait qu'elle soit précise, ça peut aussi rajouter de l'énergie, en fait. Enfin, ça rajoute de l'énergie dans la motivation, de la volonté que ça se réalise. C'est-à-dire qu'elle soit précise, oui. Je cherche à rencontrer l'homme de ma vie. Pour moi, ça, c'est précis. Après ça, de rajouter un cahier des charges, ça, c'est alourdi. Mais c'est vrai que plus la demande sera précise, et c'est pour ça l'importance de revenir à ce que je disais tout à l'heure, à bien préciser son choix. Plus le choix est précis, et plus il va, donc ça, c'est le numéro un, plus il aura tendance à être entendu, plus il sera dit avec des émotions, plus il sera entendu, plus ce sera dit avec les émotions du cœur qui va nous donner le chemin de la route, plus il sera entendu. Donc, mais ça veut pas dire que s'il est pas dit avec, comme je disais, s'il est dit avec l'ego, etc., tout ça, ça fonctionne aussi très très bien. La preuve, c'est que quand on a nos pensées inconscientes, elles nous apportent des situations désagréables. Donc, ça montre bien que ça fonctionne aussi dans ce sens-là. Oui. Et justement, si par exemple ça marche pas, si on se rend compte que ce qu'on a demandé, ça arrive pas. Alors, c'est peut-être de notre faute indirectement, mais comment on peut faire, qu'est-ce qu'on peut faire vraiment pour pour persister, pour garder la motivation de d'être sûr que ça va arriver? Déjà, Mathieu, il faut enlever la notion de faute. Peut-être de notre faute, c'est une pensée judéo-chrétienne qui nous met boum. Donc se dire plutôt, peut-être que j'ai mal fait, que peut-être que je l'ai mal demandé. C'est important parce que faut vraiment être libre par rapport à ça. Et donc de se redire, ok, est-ce que c'est bien ça ce que je veux? Est-ce que c'est toujours ce que je veux? Et puis c'est évident que il faut laisser aussi le temps à la vie de temps en temps. Plus la demande va être importante, je dirais générale, qui va être correspondre au but de sa vie, que sais-je. Il faut laisser le temps un petit peu à l'univers de s'organiser pour arriver. Et puis il faut écouter aussi les signes, parce que ça va pas venir boum d'un seul coup. Et c'est qu'il faut laisser les signes apparaître qui vont nous indiquer la route. Et aussi. Oui. Et aussi, et ça c'est très très important, c'est qu'il faut aussi que nous mettions en route ce processus. Par exemple, je sais pas, je veux travailler, travailler sur dans une ONG pour soigner, pour apporter mon aide, etc. Ok, mais j'aimerais bien soigner, soulager les personnes autour de moi, etc. C'est bien, mais ce qu'il va falloir, c'est commencer par nous mettre en œuvre. Par exemple, si on n'a pas de formation, commencer peut-être à se former, commencer à s'interroger, commencer à se tourner vers les autres, commencer, même si on peut pas les soigner, au moins commencer par les écouter. Donc, on met en place des éléments. Donc, ça nous montre, c'est l'adage classique, c'est « aide-toi, le ciel t'aidera ». Et donc, il faut pas attendre qu'il y ait des opportunités qui arrivent pour faire les choses, parce que là, je peux vous dire qu'il y en a plein qui sont les bras croisés et qui regardent leur vue passer et ils attendent les opportunités, 20 ans, oui, 40 ans, oui, 60 ans, oui, 80 ans, bon, c'est foutu. Et donc là, le truc, c'est, au lieu d'attendre, il faut commencer des activités, commencer ce qu'on a envie de faire, commencer oui. Mettre, et puis là, les opportunités arriveront. Les opportunités, et ça je peux vous dire que j'en suis moi-même été le témoin dans ma vie et j'en ai été le premier abasourdi, hein, parce que oui, justement c'est un peu le fait de même lancer quelque chose, même si c'est pas parfait, il faut vraiment juste commencer. Et justement, je parlais de ça dans un article l'autre fois sur l'importance de passer à l'action. Et en fait, le meilleur moyen de voir si ça marche, c'est vraiment de commencer, parce que la plupart des gens veulent voir le résultat pour savoir si ça sert à quelque chose de vraiment s'y mettre à 100%, alors qu'il faut se mettre à 100% pour voir le résultat. C'est plus dans ce système-là. C'est pour ça qu'il y avait la pub d'il y a quelques années, c'est « Just do it ». Oui. Faites-le. Parce que si c'est quelque chose qui vous tient à cœur, faites-le. Moi, ce que je... Ma vie, dans ma vie... ce que je me dis, c'est que le jour où je vais décéder, j'ai pas envie d'être has-been. J'ai pas envie de me dire, ah, si j'avais su, j'aurais pu faire ceci ou j'aurais pu faire cela. Ok, j'ai fait, pas tout, bien sûr, mais j'ai fait une bonne partie des choses que j'avais envie de faire. Et puis, j'avais les valises toujours sur roulette, etc. J'avais envie de... Et c'est... Voilà, je regrette rien parce qu'en fait, tout m'a appris. Il y a des expériences qui ont été bonnes, des expériences qui ont été mauvaises, mais tout m'a permis d'avancer, d'agrandir et de comprendre. Donc, c'est faut pas... Ce qu'il faut, c'est surtout se dire le jour où je vais partir, de pas être dans les regrets. D'avoir, oui, qu'est-ce que je vais laisser? Oui. Ouais. Voilà. Nous, on laisser, c'est en tout ça. Dans le sens, qu'est-ce que ça m'a apporté? Voilà, parce que là, on tombe dans la notoriété, on retombe encore dans l'histoire de l'ego. Hein, donc il faut oui, donc justement, c'est le contraire. Il ne faut pas s'intéresser. Quand j'entendais là tout dernièrement, elle me dit la plus grande tristesse, c'est que peut-être je laisserai rien comme souvenir derrière moi. C'est pas ça le truc. C'est déjà, on vit déjà pour soi, et puis si on peut aider les autres, c'est déjà miraculeux, c'est déjà bien. Mais ce qu'il faut, c'est qu'au moment de la mort, au moment du décès, c'est qu'on ait des souvenirs et pas des regrets. C'est ainsi important, ça. Oui, c'est être bien avec soi-même. Mais ouais. Mais justement, après, il faut. J'avais lu aussi qu'il faut voir un petit peu plus loin que le bien-être personnel. Il faut vraiment pouvoir apporter vraiment au maximum aux autres. Et là, on retombe justement un petit peu dans ce qu'on avait tout à l'heure, ces pensées positives. Et en fait, eh ben, on va affecter directement tout le monde. Il y a pas longtemps, j'avais lu un livre sur ça. Je sais plus quel, enfin, c'est qui est l'auteur, mais c'est la pensée positive, ça s'appelle. Et en fait, eh ben, il explique que vraiment, c'est, ça se propage, quoi. C'est comme quelqu'un qui a un talent, ça va se propager sans Tout à fait. vraiment s'en rendre compte. Tout à fait. Mais ce qu'il faut pas oublier, c'est que, comme je le dis, la pensée, la demande, si elle englobe les autres, c'est encore mieux. Par exemple, je demande une augmentation dans mon travail, et si je demandais une augmentation pour toutes les personnes qui sont, qui travaillent avec moi. Donc déjà, on englobe déjà les autres. Et ce qu'il faut comprendre, je donne souvent l'exemple de ce qui se passe dans les avions. Les avions, ils nous disent, s'il y a des turbulences, les masques à oxygène vont tomber. Et une fois qu'ils vont tomber, commencez par mettre le masque sur votre bouche avant d'aller aider les autres. Et c'est exact. Oui. Commençons déjà par balayer devant notre porte avant de vouloir aider les autres. Parce que nous, quand on sera vraiment dans nos baskets, dans nos chaussures, et là, on sera beaucoup plus fort pour pouvoir aider les autres. Après ça, bien sûr, on est dans notre vie, on a deux éléments, c'est qu'on a des choses à faire pour les autres, et inversement, il faut aussi écouter les autres parce que les autres, ils ont plein de choses à nous apprendre pour évoluer aussi. Donc c'est toujours dans les deux sens que ça marche. Mais c'est vrai que au départ, déjà, il faut travailler sur soi. Et ça, c'est très très important parce que si on s'oublie, on n'aura pas quelque part, on sert d'exemple aussi aux autres. Et donc, le fait de vraiment vivre ce que l'on dit est juste. Et vous savez, c'est j'essaye toujours dans mes discours de tenir compte de ça, c'est de dire toujours ce que je fais. C'est comme je dis, je suis un homme. De temps en temps, j'ai comme vous, comme moi, j'ai des moments comme l'histoire de la voiture que je racontais hier. Mais bon, j'essaye de vivre ce que je dis. Mais inversement, je dis qu'il n'y a jamais d'interdit. Il est Oui. interdit d'interdire. Donc, les donneurs de leçons, les gourous, les maîtres, etc., pour moi, je balaye parce que il n'y en a pas beaucoup qui sont véritablement gourous ou des maîtres quand on connaît l'envers du décor. Donc, les yaka faucons, il y en a plein. Hein. Donc, commençons par travailler sur nous, écoutons bien sûr ce que disent les autres, c'est très très important parce que ça nous remet en question, ça nous fait voir des choses différemment, donc il faut pas s'enfermer, bien sûr, ça c'est très très important, mais d'un autre côté, il faut garder toujours notre sens critique. Il y avait une personne qui me parlait, je ne citerai pas un nom, mais il me parlait d'une personne bien connue qui parlait, etc., et donc elle avait beaucoup confiance, moi aussi, c'est quelqu'un qui me plaisait bien et qui me plaît bien toujours, et puis elle me dit oui, mais il dit ça, etc. Mais je lui dis ok, il dit ça, c'est bien, mais c'est pas parce que lui que c'est lui qu'il dit que je vais le C'est pas croire. oui C'est-à-dire que que peut-être que je vais le croire, mais je vais déjà raisonner, réfléchir. Je vais pas prendre ça comme du pain béni, je dirais quelque part. Même si de c'est faire son quelqu'un, raisonnement. voilà, même si c'est quelqu'un en qui j'ai confiance et que j'aime bien, mais que j'apprécie. Voilà. D'accord, oui. Bah, puis par rapport à ça, j'avais noté quelque chose. C'était, enfin, c'est en sens plus général, un petit peu par rapport à la pensée, à ce qu'on pense. C'est votre pensée attire à elle, c'est-à-dire à vous, le potentiel qui lui correspond. Et justement, c'est à peu près dans le même univers. C'est que, bah, on attire les choses plus, comment dire, on va directement en fait atteindre la pensée qu'on souhaite. Alors c'est pas clair à expliquer, c'est quand même compliqué, mais oui, c'est pour revenir un petit peu à ça. C'est que ça peut être dans la parole, ça peut être quelque chose de plus simple. Imaginons, on dit quelque chose de, voilà, de négatif, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, ça va attirer du négatif. Et donc c'est pour ça que justement l'univers matériel, comment toi, Luc, tu pourrais un peu l'expliquer, dans le sens où qu'est-ce qui différencie l'univers matériel du reste, De quel reste tu parles? enfin l'univers, bah, j'aurais dit matériel, mais un petit peu le contraire, l'opposé de l'univers matériel, parce que justement, j'avais pas très bien, enfin, j'avais pas trop trop bien saisi qu'est-ce qui, comment on peut, en fait, on peut qualifier l'univers matériel. Est-ce Ah, que bah, c'était c'est-à-dire plus... c'est que C'est ce qu'il faut comprendre déjà à la base en médecine, en physique, en médecine, en physique quantique, qui parle de la dualité onde corpuscule. C'est-à-dire que les corpuscules, les particules, les électrons, les protons, les neutrons, ils se transforment en énergie et les énergies se reconcentrent et vont reformer des particules. Donc sans arrêt, ça passe de l'un à l'autre. Ça veut dire, c'est un petit peu comme moi, je donne souvent l'exemple de l'eau. Il y a l'eau liquide. Et puis vous montez la température, ça devient de l'eau gazeuse, et ça en rebaisse la température, ça revient de l'eau liquide. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'eau liquide et l'eau gazeuse, c'est la même chose, sous deux aspects différents. Et donc là, pareil, l'énergie et la matière, c'est la même chose, sous deux aspects différents. Donc ça, c'est vraiment important, c'est que on pourrait considérer que l'univers est un vaste champ d'énergie informée, c'est-à-dire sans forme. Un vaste champ d'énergie, et notre pensée, dans ce vaste champ, va donner la cohérence à la matière, va lui donner sa forme. Comme je le disais tout à l'heure, c'est lui qui va donner cette puissance. C'est pour ça que quand on crée, quand on fait une demande, cette demande, elle va commencer à se former dans le niveau énergétique, donc le niveau subtil. Et c'est pour ça que c'est pour ça que dans les soins énergétiques, ça va si rapidement, parce qu'on est dans le subtil, justement. Mais que pour nous qui sommes dans le niveau matériel, ça va dire que ça va prendre un petit peu plus de temps, mais ce temps est de plus en plus raccourci, comme je l'ai dit, mais ça va prendre un petit peu plus de temps pour se matérialiser. Et là, il y a une expression des aborigènes que j'adore, c'est qu'eux, ils ne parlent pas de l'univers matériel, ils parlent de l'univers manifesté. Très, très d'accord. Intéressant. Donc, oui, très dans le sens où c'est ce qui arrive, c'est les voilà, conséquences. Tout à fait. On a un champ de matière, d'énergie incohérente, et nous, on va matérialiser, c'est-à-dire qu'on va rendre une partie de cette énergie cohérente et qui va lui donner son aspect matériel. Donc, c'est pour ça que quand on n'est pas là, entre guillemets, l'électron reprend sa forme éthérée et va prendre un petit peu toutes les formes. Quand on est là, il se remet au garde à vous, et c'est ce qui fait d'ailleurs toute l'erreur qu'on peut avoir par rapport à la vision de l'univers, c'est qu'on arrive à la conquête de l'univers. Et c'est une erreur fondamentale de partir de la conquête. On va à la découverte, oui, mais la conquête, non. C'est-à-dire que si on y va en tant que conquérant, un petit peu comme ce qu'on a fait sur la Terre en tout détruisant, là on va arriver à, parce que l'univers va, il y a une conscience derrière, il y a une énergie, il y a des pensées, et donc on va se retrouver avec des gros contre-coups. Et donc ce qu'il faut savoir, c'est que la matière est l'exception dans une généralité qui est l'énergie. D'accord. C'est-à-dire, oui. Le monde est énergétique, et nous, notre pensée a donné l'exception de la matérialité. Et nous, quand on est parti de cette matière, on a pensé que la matérialité était la généralité. Et c'est ce qui nous a amené à tous ces petits problèmes qu'il y a eu au début avec la physique quantique. C'est ce qui risque d'arriver avec la découverte de l'espace, parce que tant qu'on prend pas conscience que cet univers est quelque part informé, c'est-à-dire que quelque part on peut considérer qu'il a une conscience, qu'il a une pensée, comme disent certains astrophysiciens, eh bien à ce moment-là, on va avoir vers des grands déboires par rapport à ça. Voilà. Oui. Donc je ne sais pas si j'ai répondu à Oui, oui, oui. Là, c'était juste vraiment pour pouvoir préciser ce que c'était. Mais justement, là, t'as dit quelque chose aussi d'intéressant. C'était, il faut pas partir dans l'objectif de conquérir. C'est plus partir à l'aventure. Parce qu'en fait, quand on part à la conquête, c'est vraiment pour tout savoir. Enfin, tout savoir, mais tout s'approprier. Tout s'approprier. Voilà, c'est plus ça. Parce que en fait, c'est s'approprier, mais c'est pas vraiment la même. Comment dire? La même manière, oui, de procéder. Et c'est aussi un petit peu un état d'esprit d'avoir, de partir à l'aventure, de toujours vouloir apprendre, d'être en fait la curiosité, de toujours partir, comment dire, de sans cesse vouloir apprendre. Et ça, moi, je pense que ça fait partie d'une richesse aussi, ça, de la loi de l'attraction, c'est même pouvoir attirer, en fait, enfin, vouloir attirer des choses qui, au final, on n'était pas, comment dire, qu'on connaissait pas forcément de base. Je ne sais pas comment on pourrait expliquer ça. Non, mais ce qu'il faut savoir, c'est que dans la connaissance, il y a deux aspects. Il y a la connaissance, je dirais, scientifique, qu'on développe aujourd'hui très bien et qui nous apporte une multitude de résultats et de renseignements. Moi, je suis impressionné par tout ce que peut révéler justement la physique quantique et surtout les conséquences de ces découvertes. Et il y a que les grands physiciens qui nous les dévoile un petit peu, je parle, comme on peut avoir Smoot, Einstein, Hawking, Manu Berive, etc., qui nous expliquent un petit peu les conséquences des découvertes au-delà de la simple physique. Et donc c'est vraiment un monde merveilleux. On apprend, mais ça c'est le domaine, je dirais, scientifique. Après ça, il y a une autre connaissance qui est extrêmement importante et qu'on oublie malheureusement, et qui est l'autre facette, et les deux devraient travailler ensemble. C'est la conscience, c'est la connaissance intuitive, et la connaissance de l'observation de chacun également. Moi, je dis souvent que ça fait bien longtemps que je ne le fais plus, mais il y a bien des années, j'avais un petit potager. Donc, ce potager, je l'ai fait que pendant quelques années, parce qu'il faut deux temps par la suite, mais ça n'empêche que quand j'ai fait ce potager, ça m'a appris une multitude de choses par rapport à quand j'observais la nature, les oiseaux, la croissance, les arbres, etc. Et je dis souvent, et je le répète, que simplement en faisant ce potager par moi-même, eh bien, tout simplement, ça m'a appris beaucoup plus de choses encore que toutes les lectures des grands livres sacrés. Voilà, donc d'accord. C'est pour ça que cette connaissance est aussi une connaissance qu'on a déjà en nous, et après ça, à nous de la laisser. Donc les deux sont liés, et c'est pour ça que la science d'aujourd'hui est très intéressante, mais elle oublie un peu trop l'intuition. Cependant, quand vous écoutez véritablement les physiciens ou les chercheurs, etc., souvent ils le disent bien, c'est que ils ont commencé une expérience parce qu'ils ont eu l'intuition. Que ça peut donner. Ils ne le diront pas au départ. Ils ont dit, on a fait des recherches, machin, etc. Mais souvent, ils disent, on a eu l'intuition que c'était dans ce domaine-là qu'il fallait les chercher, etc. Donc, il y a quand même, quand on veut aller un petit peu plus loin, on s'aperçoit qu'il y avait quand même, il y a quand même l'intuition qui est utilisée, qu'on veuille le reconnaître ou non. Oui, c'est par rapport à leurs compétences qu'ils peuvent s'assurer ou, du moins, oui, être presque sûrs de ça, mais oui, c'est vrai. C'est un peu comme la loi d'attraction, et on connaît la loi, donc loi, c'est pas une très très belle chose d'ailleurs, parce que, mais bon, on connaît cette loi d'attraction, maintenant, à nous de l'expérimenter, parce que quand on l'aura expérimenté, quand on aura vu les résultats par soi-même, là, elle deviendra une force en nous, elle deviendra une réalité, et les doutes s'estomperont. Oui, voilà. Mais justement, donc ça, c'était vraiment, oui, c'est important de voir ça. Mais il y a un point dont j'ai oublié de parler. C'était vraiment l'importance de viser loin, de parler sur le long terme, sur le de viser des grandes choses, parce qu'au final, ce qui nous arrive, on a plus de chances d'avoir ce qui nous arrive que d'avoir moins. Non, c'était pas ça. Attends. C'était. Oui, si tu demandes beaucoup, tu pourras en avoir. Tu n'auras pas forcément beaucoup, mais tu en auras déjà pas mal. Voilà, c'est ça. Voilà, c'était ça. Faut demander grand, parce que c'est sûr que si tu demandes un petit F2 en banlieue parisienne, tu vas te retrouver avec un petit studio dans un quartier mal famé. Par contre, si tu demandes un bel hôtel particulier, tu te retrouveras peut-être avec un F3 dans un quartier sympathique. Donc, faut toujours demander grand, ça c'est clair. Et l'univers, c'est l'abondance. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il va pas déshabiller Paul pour habiller Jacques. Hein. Donc, il est capable d'habiller Paul et d'habiller Jacques à la fois. Donc, il n'y a pas de problème aussi par rapport à ça. Et puis sur le long terme, c'est une autre histoire. C'est une autre histoire. C'est-à-dire, par exemple, on parle beaucoup aujourd'hui de mission de vie. De mission de vie, mais moi je suis un petit peu hermétique sur ce terme mission, parce qu'en fait, une mission fait croire à beaucoup de personnes que c'est un peu comme une course. Un marathon, par exemple, et il y a la ligne d'arrivée. Et la mission, on a fini la mission, et mission impossible 1, mission impossible 2, etc. Donc ça, c'est pas une bonne chose. Il faut plutôt voir, comme disait Lao Tzu sur le bonheur n'est pas au bout du chemin, le bonheur c'est le chemin. Et là c'est pareil, notre mission c'est pas l'aboutissement, c'est le chemin. C'est tout ce qu'on va faire comme expérience. Voilà. C'est pas la destination, enfin le but c'est pas de prendre du plaisir à la destination, c'est de prendre du plaisir tout le voyage. Voilà. Et donc c'est pour ça que s'il y a une chose à demander, c'est surtout de nous aider à trouver ce chemin de vie, à nous aider à traverser ce chemin de vie, à le conduire, etc. Là, oui, c'est on peut travailler sur le long terme par rapport à ça. Mais c'est évident aussi que quand on demande, il y avait une personne qui rêvait sur une belle maison, etc. Il avait même fait des photos, il avait pris des photos pour se rappeler, se remémorer, etc. Puis lui, ça lui est arrivé quelques années plus tard, mais c'était il y a maintenant une bonne vingtaine d'années. Ça lui est arrivé quelques années plus tard. Il a trouvé une maison, bingo, et sur le coup, il n'a pas tilté. C'est en ressortant des vieux souvenirs qu'il a ressorti les photos et il s'est aperçu que la maison dont il rêvait, c'était d'un seul coup un copier-coller. Donc c'est des choses qui se font bien sûr aussi sur le long terme, mais comme je dis aujourd'hui, ça a tendance, ce délai a tendance à se rapprocher. D'accord. Voilà. Ouais. Et justement tout à l'heure, t'as dit que si quelqu'un a quelque chose, si j'ai quelque chose, ça n'empêchera pas une autre personne d'avoir la même chose. Et donc ça c'est un peu la notion d'égoïsme. Faut pas s'en vouloir d'avoir quelque chose sous prétexte que un tel ne pourra pas l'avoir. Et ça peut être un blocage pour certaines personnes des fois parce que si vous demandez une place de parking, qu'on vous donne une place de parking, que vous trouvez une place de parking, c'est pas parce qu'on va la piquer à quelqu'un d'autre. Ce quelqu'un d'autre, s'il fait la demande, il en trouvera une aussi. Oui. C'est pas plus compliqué que ça. C'est pas, il y a pas de vol. Et puis il y avait même un ami qui me disait, je le vois, il sort de chez le buraliste et je lui dis, qu'est-ce qu'il a? Il m'a dit, j'ai été joué au loto. Et puis il me dit à la suite, ça me ferait bien du souci si je gagnais toute cette somme-là. Donc c'était quelqu'un aussi qui demandait à gagner sans demander, en demandant de ne pas gagner. Voilà. Oui, mais Alors il y en a d'autres. Ah bah oui, j'ai joué au loto, mais il y a, ce serait bien si je gagnais, mais il y a plein de petites personnes qui auraient bien plus besoin d'argent que moi. Donc moi je leur dis, quel est le problème? Quel est le problème? Si t'as du mal à gérer ton argent après, tu le donnes, tu vas faire plein de cadeaux, ça va être génial, ça va être super. Et l'autre, s'il y a des malheureux, tu gagnes, tu le donneras aux malheureux et ce sera fait. Donc après ça, mais là encore. Faut pas oublier que le loto n'est qu'un moyen, l'argent n'est qu'un moyen. C'est une énergie, c'est l'énergie de notre société. Elle vaut ce qu'elle vaut, comme vous le savez, mais c'est l'énergie de notre société. On peut rien y faire. Et donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est toujours qu'un moyen que la suite. Mais il faut pas hésiter à demander des choses importantes. Et souvent, il y a même des personnes, comme je le disais tout à l'heure, qui font la carte au trésor, par exemple. Avec, ils ont leur petit panneau, qui est avec toutes les signes, c'est une possibilité. Moi, à l'échelon où j'en suis, là aujourd'hui, je demande plutôt qu'on me donne ce dont j'ai besoin. Donc on me donne le meilleur pour moi, le meilleur pour le travail que j'ai envie de faire, sans donner à... Parce que là encore, même sur le chemin, on a des intuitions, mais on peut aller facilement sur une voie de garage, parce que on a des choses qu'on aimerait bien faire, mais on les demande et ça n'arrive pas. Et c'est parce qu'il y a peut-être aussi, moi je vois ça, c'est souvent quand il y a quelque chose qui n'arrive pas et qu'on demande, c'est souvent que il y a entre guillemets l'univers qui est en train de nous apporter quelque chose de mieux. Qui sera pas forcément plus fort, mais qui sera plus en adéquation avec ce que l'on est. Et ça aussi, faut aussi arriver à l'accepter, ça, parce que. Et voilà, faut pas s'en vouloir sur le moment. Faut pas avoir cet esprit de culpabilité sur le moment, quoi. Puis, jamais de culpabilité, jamais de culpabilité, et il n'y a jamais de jugement, il y a des jugements nulle part, donc les jugements derniers, les jugements après la mort et tout ça, c'est faux, mais par contre, c'est vrai que on va nous mettre, on va nous ranger un petit peu, en fonction de notre évolution personnelle, etc., mais c'est pas un jugement, c'est pas une question de faute, parce que on a fait des expériences, on est en train de faire des expériences sur cette terre, et ces expériences, eh bien, tout simplement, nous apprennent, et il n'y a pas de bon, il n'y a pas de bien et de mal, il n'y a que du bon et du mauvais, ce qui est tout à fait différent. Oui, et, c'est vrai. On sort du jugement. Le jugement est quelque chose qui nous a été inculqué beaucoup par les religions en particulier et qui nous mettent tout de suite dans la faute, dans la culpabilité, dans les choses comme ça. Bah oui, on a fait des mauvais choix, on a fait des choix par égoïsme, c'est vrai, on s'est planté, ok, bah maintenant je l'ai compris. Et surtout quand on s'est planté et qu'on l'a compris, c'est encore beaucoup plus fort que si on a fait davantage de suite le bon choix, parce que là, on s'est vraiment aperçu que c'était pas le, que l'autre oui. était de mauvais. Et souvent, il faut passer par l'ombre pour aller dans la lumière, hein. Donc, voilà, faut être cool. Et c'est pour ça qu'il faut, moi, j'essaye, comme toujours, d'être le plus tolérant possible, même avec les autres, parce que, les autres font des choses, quelque part, qui me paraissent bizarres, ou qui se paraissent injustes, ou qui me paraissent mauvaises, etc. Mais je suis très tolérant dans le sens que je me dis, OK, dans mes vies antérieures, j'ai dû faire des saloperies au moins aussi importantes qu'eux, si ce n'est pire. Donc, restons tolérants. Oui, ils sont voilà. En train d'apprendre. Moi, j'ai peut-être appris dans des vies antérieures en me faisant taper sur les doigts. Maintenant, voilà, ils expérimentent. Voilà, c'est tout. Ouais, voilà, il faut être large dans le sens où il n'y a pas que. C'est aussi là où c'est important d'avoir une ouverture d'esprit. C'est vraiment de pouvoir être confronté aux autres manières de faire et d'observer. Mais justement, le principe de passer par l'ombre pour aller à la lumière, en termes de quand on a un projet, est-ce que pendant ce moment-là, est-ce que ce serait pas le moment dans l'ombre ? C'est pas un peu le meilleur moment pour renforcer sa demande, pour vraiment appuyer ce que l'on veut vraiment ? Alors, je vais te donner un secret. On est à la fin de notre interview. Je vais te donner le secret. Le secret. Et ouvrez bien grand vos oreilles, c'est que si vous voulez créer le meilleur dans votre vie, eh bien, vous avez deux choses à faire. La première chose, c'est d'éliminer toutes les croyances erronées que vous pourriez avoir et qui viendraient freiner, empêcher, bloquer ce que vous rêvez. Et là, vous avez un outil merveilleux pour le faire, c'est Ho'oponopono. Ho'oponopono vous permet de lever ces croyances erronées, même sans savoir ce qu'elles étaient, où qu'elles étaient. Donc ça, c'est vraiment déjà un point important. Là, et puis après ça, vous allez demander ce que vous voulez. Donc, on enlève les blocages et on met l'accélérateur en route. Et c'est pour ça, et en plus, je vous dirais aussi, n'écoutez pas trop l'entourage, et plus exactement, vous allez voir dans votre entourage ceux qui vous aiment vraiment. C'est-à-dire qu'il y a toujours des gens qui vous mettront des bâtons dans les roues parce que ils ont leurs croyances, parce que ils ont leurs jugements, parce que vous êtes en train de faire ce qu'ils auraient bien voulu faire et qu'ils n'ont pas eu le courage de faire. Donc, écoutez bien sûr ce qu'ils ont à dire parce que ça peut être aussi quelque chose d'important pour vous, mais ne vous sentez pas bloqué pour vous. Et par contre, les gens qui vous aiment vraiment et qui vous voient heureux sur ce chemin, eh bien, vous saurez que ce sont vraiment des gens qui vous aiment et qui vous apprécient. Donc, c'est vraiment important d'écouter les autres, mais pas tenir compte de leurs griefs. Parce que autrement, vous savez, il y a trop de c'est trop facile de rester à attendre et de ne rien faire. C'est tellement plus facile de rester dans ses habitudes. C'est tellement plus facile. Mais quand il y a Jonathan le goéland qui sort du nid, ben tout le monde est en train de lui montrer du doigt. Mais quand il revient avec des éléments nouveaux à apporter dans la tribu, tout le monde est admiratif. Donc c'est pour ça. Faut just do it, just do it. Se lancer. Voir ok bon voilà ouais. c'est un bon conseil ça en tout cas pour le futur tout ça bon bah ouais, j'avais on m'a raconté l'histoire d'un monsieur qui était un jeune qui était fanat de surf et puis il disait à ses parents moi quand je serai grand je ferai du surf, je vivrai du surf, je travaillerai dans le surf, etc. Il y a ses parents qui disent, oui, c'est ça. Bon, allez, va passer le bac, on en reparlera plus tard. Et en fin de compte, ce jeune est devenu un champion de surf. Et puis, aujourd'hui, il paraît qu'il aurait une boutique de vente de planches de surf auprès de la plage. Et lui, dès qu'il a un petit moment, il est reparti. Il Donc, oui. C'est bon, on entend, c'est pour ça que au niveau des personnes, ils disent, ah oui, n'en fais pas telle carrière parce que c'est bloqué, il y a plein de monde, c'est surchargé, etc. Mais on s'en fout, si c'est vraiment. C'est des croyances limitantes, ça. Oui, voilà. Bon, si c'est vraiment savoir, et il peut y avoir plein de monde, ça va, allez-y, ne vous bloquez pas sur ce que disent les autres. Si c'est votre voie, just do it, foncez. Oui. Parce que même quand on a un objectif vraiment que ça et qu'on a la motivation pour le faire, j'ai réalisé ça, mais c'est dingue comment on peut vraiment être. On peut se surpasser soi-même et se dire, oui, quand même, bon, on a fait quelque chose, on ne s'attendait même pas soi-même à faire ça et on se retrouve à le faire. Donc c'est vraiment. Bien sûr, parce qu'il y a des paroles qui peuvent casser, des paroles des autres qui peuvent casser, mais quand nous on est dedans, pouf, on s'éclate. Oui, voilà. Et c'est souvent quand on est tout seul, on se remet un peu dans la motivation. On le voit un petit peu même comme dans n'importe quelle étude, des études qui sont longues, il faut pas se focaliser sur les études, sur les années, les machins, les trucs. Bon, c'est sûr que c'est une prise de tête, mais d'un autre côté, il y a des bons moments, on est avec les amis, on passe des soirées, etc. Enfin bon, c'est un peu modifié avec ce qui se passe en ce moment, mais c'est des moments qui sont pénibles par le temps de travail que ça demande, mais ce qu'il faut surtout, c'est pas rien se focaliser sur ces études, faut focaliser sur le but qu'on veut atteindre. Et c'est lui qui est la motivation. C'est lui, parce que si en médecine, on savait tous les examens, tout ce qu'on doit s'ingurgiter, oui. Mais j'en ai une médecine, mais c'est dans toutes les études pareil. Mais, il n'y a pas beaucoup de monde, qui irait s'inscrire. Oui, les gens font pas médecine pour le plaisir d'aller en cours de médecine, c'est surtout pour atteindre le but, quoi. Et c'est le but qui est important, et c'est pour ça qu'il faut toujours se focaliser sur le but, et c'est vrai pour toutes les études, il n'y a pas que les médecines, hein. Mais la médecine, je la connais bien, évidemment, par la force des choses, mais... C'est connu pour être difficile à faire, hein, c'est pas... Oui, et puis si on connaissait vraiment toutes les difficultés, là, il y aurait pas beaucoup de vocations, mais c'est pas grave, on les transmet, on les transmute, on les transforme au fur et à mesure, poum, poum, poum, un jour après l'autre. Et puis, si on prend tout ensemble, toutes les difficultés ensemble, c'est insurmontable. Si on les prend une à une, ça se passe bien, tranquille. D'accord. Ouais. Voilà. Et on voit le but final. C'est ça. D'accord. Bon, l'objectif, c'est ça. Ouais, c'est vrai. Bon, Luc, je te remercie pour cette interview, pour avoir un peu plus éclairci, enfin, pour avoir éclairci la loi de l'attraction. Ça, c'est un sujet assez vaste, mais bon, pouvoir mettre des termes dessus, tout ça. Et donc le livre, alors après, je sais pas s'il manque des choses. Est-ce qu'on a tout dit, on a tout expliqué? Je sais pas si... On a dit plein de choses. On a parlé de beaucoup de choses dans tous les sens. Donc, on n'a pas tout dit dans le sens qu'il y aurait encore beaucoup de choses à ajouter, mais je dirais qu'on a dit l'essentiel. L'essentiel, c'est de savoir que ça existe. L'essentiel, c'est de commencer à bien préciser sa demande. Après ça, de faire cette demande. Après ça, de rester constant et confiant dans la demande. Il ne faut pas hésiter, même quand on a des doutes et quand on trouve un petit peu long, de redemander, même sans se focaliser, etc. Et ça, et bien comprendre que plus la demande sera positive, plus la demande sera faite avec le cœur, plus elle aura des chances d'être entendue, mais tout en sachant que les autres qui sont faites avec les mots seront quand même aussi entendues, mais celles qui sont dites avec l'émotion de l'amour, l'émotion du partage, l'émotion de l'équité, etc., l'émotion de notre chemin de vie, a vraiment le maximum de chances pour le faire. Mais il faut aussi, quand on fait ça, passer à l'action. Commencer à mettre des choses en place, même des petites choses, tout doucement, c'est déjà important et vous verrez les choses arrivent à ce moment. Voilà, donc c'est déjà la clé, c'est la clé de ces choses-là. Voilà, et moi je trouve que c'est important, justement, je suis heureux que tu m'aies invité à ça, Mathieu, parce que évidemment, par rapport à moi, tu es jeune, et je trouve que les jeunes ont vraiment besoin de connaître cette loi-là, et je dirais que les personnes qui ont réussi dans notre société particulièrement parmi les leaders, eh bien, eux, ils utilisent cette loi d'attraction depuis toujours, même sans le savoir. Oui, indirectement, c'est inconsciemment, c'est sûr, oui. Ils n'ont réussi que grâce à ça. Et donc, et ils l'ont fait, mais d'une manière inconsciente. Pour eux, c'était la manière de fonctionner. Et quelque part, d'ailleurs, je me suis souvent demandé, mais pourquoi, comment qu'ils peuvent vivre comme ça alors qu'il y a plein de personnes qui sont dans la souffrance. Et en fait, la réponse qui m'est venue, c'est que quelque part, eux ne comprennent pas qu'on puisse vivre dans la souffrance alors qu'il suffit de demander. Oui. Après, ça c'est au niveau de la manière de penser, c'est de l'état d'esprit, c'est pas le même non plus. Voilà, on n'est pas. Mais ce que je veux dire, c'est que les leaders ont tous utilisé cette pensée positive pour y arriver. Attirer positif. Parce que s'ils étaient sans arrêt dans le doute et les blocages, etc., ils seraient pas arrivés là où ils vont. Après ça, ils n'ont pas forcément fait ça avec le chemin de vie. Ils ont pu faire ça avec leur ego, mais ça ne nous regarde pas. C'est leur histoire. C'est plus. Oui, ouais, c'est sûr. Le résultat n'est pas le même, c'est sûr. Ouais, voilà. C'est pas grave, c'est toujours des expériences à vivre et je ne suis pas un juge, je peux pas savoir dans quelle motivation ils l'ont fait et je me permettrai pas de le dire non plus. Voilà, c'est ça. On a chacun notre expérience. Voilà, exactement. Bon, c'est vrai. Bon, en tout cas, pour conclure on a fait une conclusion. Puis donc cet épisode sera disponible donc sur ta chaîne, Luc. Et sur ton site internet aussi, et sur mon blog aussi, où je vais pouvoir publier un article justement sur ça. Je vais avec la vidéo sera disponible dessus. Donc voilà. Merci Luc pour ça. Oui. Un petit mot pour finaliser. Merci. Un petit mot pour finaliser. Je crois que c'était Bouddha qui disait l'homme est le seul maître de son destin. C'est vrai. Oui, oui. Nous ne sommes pas des victimes. Il faut arrêter de se considérer comme des victimes de la vie, des victimes du passé, des victimes de notre éducation, des victimes. Je vous ai donné les clés pour, si vous voulez véritablement créer la vie dont vous avez envie. À vous de jouer. Just do it. Oui, on est nos propres maîtres, c'est vrai. Notre propre maître. Il y a les clés vous ont été données, et certaines clés importantes vous ont été données dans cette vidéo. Repassez-la si vous les avez oubliées, mais vous les avez. Et just do it. Vivez votre vie et surtout, n'oubliez pas que quand on vit sa vie, il arrive quelque chose de magnifique, c'est que nous sommes heureux. Oui, c'est vrai. On est heureux. Bah oui, et puis ça vaut le coup d'être vécu, je pense. C'est sûr. C'est sûr, exactement. À 100%, il n'y a pas de doute. C'est sûr. Ouais. Voilà, merci Mathieu et merci à tous. Bah, merci à toi. De m'avoir écouté, c'est très gentil. Ça marche. Bon, bah, bonne continuation, Luc. Allez, ciao.